L'auteur de cet ouvrage est Victor Hugo. Deux extraits musicaux ont été utilisés. Il s'agit de Suite Peer Gynt, numéro 1, opus 46, deuxième mouvement, La mort d'Az, et de Suite Peer Gynt, numéro 1, opus 46, troisième mouvement, La danse d'Anitra. Le compositeur de ces deux partitions est Edvard Grieg. L'interprétation musicale est effectuée par l'Orchestre symphonique national tchèque pour Musopen. Le lecteur de ce livre audio est Joseph Lange. Ceci est un enregistrement sous licence Attribution 2.0 France. En anglais, cette licence est nommée Creative Commons by Attribution 2.0 France or CC BY 2.0 FR.